êtes à l'écoute de l'émission On The Rocks. On The Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On The Rocks, même à l'envers, On The Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the girl, I'm the girl. On the rocks. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh. Salut à tous, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs, ou presque de 19h à 20h30, en rediffusion sur ZEF à Blois, sur le site ontherocks.net, partout où vous voulez, quand vous voulez, à travers la planète. Le principe est simple et ça fait 32 ans que ça dure. On vous parle de musique, mais la musique que peut-être vous n'entendez pas sur les autres ondes de radio ou alors pas si souvent. Et en tout cas, une heure et demie de nouveautés pour la plupart, à un morceau près, je crois, ce soir. De nouveautés qui sont toutes fraîches, toutes chaudes, comme vous préférez, mais en tout cas qui vont vous ravir les oreilles. Et on va commencer dans la douceur. J'ai eu la chance d'interviewer le premier deux fois dans sa carrière et la deuxième est toujours disponible sur le site ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale. Vous déroulez un peu et c'est une des plus belles interviews en 32 ans avec un petit morceau live à la clé à l'époque. Et puis le deuxième, je ne l'ai jamais rencontré, mais je l'ai vu plusieurs fois en concert avec divers artistes. Ces deux-là se connaissent. Le premier, c'est Pierce Faccini, le plus anglais de nos habitants de la Cévenne, le plus français des anglais. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Une voix fantastique, un univers bien à lui, quelque part entre Nick Drake, le Mali et le blues. Et bien avec toujours ses rencontres et ses collaborations dont il est friand, enregistré dans son studio là-bas dans les Cévennes, qu'il s'est bricolé en même temps que sa maison, et bien il a reçu Balaké Sissoko, qui est le virtuose de la kora. Et donc ces deux-là se connaissent, ces deux-là se sont déjà rencontrés, ces deux-là ont déjà joué ensemble. Mais là, c'est un album entier qui va sortir le 14 février prochain. Ça s'appellera Our Calling. Il y a déjà quelques morceaux qui ont été dévoilés, dont celui-ci qui va faire l'ouverture de l'émission ce soir. Ça s'appelle One Half of a Dream. La voix et les mélodies enchanteresses de Pierce Faccini, alliées à la kora de Balaké Sissoko, pour vous envelopper pour d'un début d'émission. On ne pouvait pas trouver mieux. Tangled our wires, tripping

Lui aussi, j'ai eu la chance de l'interviewer lors d'un festival Hop Hop Hop à Orléans. C'était Jawar et un certain cousinage, évidemment, avec Pierce Faccini, même si lui chante en arabe. Ce qui arrive des fois à Pierce Faccini, d'ailleurs, qui est assez polyglotte dans ses interprétations. C'était tiré du dernier album de Jawar, qui vient de sortir, qui est très très beau, comme tous les précédents. Il s'appelle... Le morceau, c'était Coach Street. Et juste avant, c'était Pierce Faccini et Balaké Sissoko, tiré de leur album à venir. Ça sera sûrement chez Nos Formats, j'ai pas vérifié, mais j'imagine que oui. L'album s'appellera Our Calling et c'était One Half of a Dream. Alors on va changer un peu d'ambiance, on va électriser un peu tout ça dans The Rocks avec l'un des deux albums que j'écoute en boucle depuis quelques semaines. Je l'ai loupé en 2024, il n'était pas parmi mes meilleurs albums de 2024 que vous pouvez retrouver sur le site ontherocks.net. J'ai découvert tout début 2025, alors qu'il est sorti je crois en octobre ou novembre 2024. Et bien c'est un de mes albums préférés avec ce groupe pour son troisième je crois. Un petit mélange entre, allez, comme je l'ai dit la semaine dernière, les Strokes, un peu de power pop, un peu de parfois de Kurt Cobain dans la voix, et surtout des morceaux imparables. Chaque morceau pourrait être un tube, ça c'est celui qui ouvre l'album, un peu en trompe-l'œil d'ailleurs. C'est le morceau Trade Winds, voici Skeks. Maybe it's Non seulement ça ressemble à du Franz Ferdinand, du Schmeiss, du Franz Ferdinand tiré de leur dernier album, c'est le morceau Bar Lonely, très bon morceau sur un album qui moi m'a laissé un peu sur ma faim, un peu inégal je trouve, il va falloir que je réécoute ça, mais première écoute, voilà, j'ai pas été emballé, et puis juste avant j'ai été très emballé par l'album de Skex avec le morceau Trade Wings, voilà deux voix qui nous ont enchanté, enfin moi en tout cas, qui m'ont enchanté à la fin des années 70 et surtout au début des années 80, lui officier depuis la fin des années 70, c'est Elvis Costello. Le vieux brigand avec ses grosses lunettes à la Buddy Holly, et puis elle, c'était la voix des Bangles, qui était un de mes groupes vraiment chouchou dans les années 80. Elle s'appelle Susanna Hoffs, et donc ils se sont réunis tous les deux pour faire un petit duo bien sympathique. Alors c'est pas une compo, c'est une reprise d'un titre des Stones qui s'appelle Connection, et leurs deux voix vont vraiment vraiment bien ensemble, mais il faut dire quelle voix. Get back to you. In addition, I just can't make no connection. All I want to do is to get back to you. Everything is going in the wrong direction. The doctor wants to give me more injections. Giving me shots for a thousand rare infections. And I don't know if you let me go. Connection, I just can't make no connection. But all I want to do is to get back to you. Connection, I just can't make no connection. But all I want to do is to get back to you. My bags, they get a very close inspection. I wonder why it is that they suspect them. The time to add me to their collections. And I don't know if they let me go. Connection, I just can't make no connection. All I want to do get back to you. The doctor wants to give me more injections. Giving me shots for a thousand rare infections. And I don't know if you let me go. Connection, I just can't make no connection. All I want to do is to get back to you. Just can't make no connection. All I want to do is to get back to you. nouveauté réjouissante dans On The Rock, c'était Horse Girl, ce trio 100% féminin qui nous vient de Chicago, Horse Girl avec Switchover, et juste avant c'était Elvis Costello avec la belle Susanna Hoffs, et surtout sa belle voix, avec cette reprise d'un morceau des Stones qui date de 1967 et qui s'appelle Connection. Voilà l'autre album après celui de Skeks que j'écoute en boucle, un album vénéneux, un album avec des ambiances planantes et des guitares saillantes par moments. Vraiment, voilà, c'est un album parfait, je trouve, que j'avais aussi laissé passer en 2024, qui lui est sorti au milieu de l'année, qui est vraiment un album magnifique, celui du duo de Liverpool, Anna Merrick and Craig Whittle. C'est ce duo qui s'appelle King Anna. Et on va se passer le morceau peut-être le plus efficace et le plus ramassé, qui s'appelle Davey Says. Je vous conseille vraiment cet album, vous allez adorer. Baby, we could blow it all. Encore une nouveauté dans The Rocks, la formule est simple mais inédite, une chanteuse, guitariste et deux batteurs. C'est le groupe que vous venez d'entendre, ça s'appelle The Velveteers et le morceau c'était Bound in Leather, c'est une nouveauté. Et puis juste avant c'était King Anna, tiré de leur dernier album qui est une merveille avec Davey Says. On retrouve maintenant quelqu'un et un groupe que j'aimerais bien voir sur scène, ça a l'air d'envoyer pas mal. En tout cas j'aime bien leurs albums, je les suis depuis le premier et je trouve que vraiment ils le font très bien. Ça s'appelle Shannon and the Clams, c'est un peu du, comment dire, du garage 60s, un peu matinée soul de temps en temps. En tout cas ça envoie. Wax and the String, c'est le nom du dernier single qui vient de sortir, annonciateur d'un album à venir. À l'instant, c'était une nouveauté. Bah oui, oh, ça révolutionne pas. Je crois que c'est un groupe qui a gagné une sorte de télécrochet, je ne sais pas. En tout cas, cette reprise de You Make Me Feel est quand même assez sympathique. Le trio s'appelle Les Votives. Et puis juste avant, c'était Shannon and the Clamps avec Wax and String. Voilà des revenants que je suis assez heureux de retrouver dans The Rocks. Je les avais un peu perdus de vue, à vrai dire, mais j'aimais beaucoup leurs albums précédents. Ils ont fait une grande pause, je crois, pour ce groupe américain qui a commencé en 1998. Il s'appelle OK Go et ils viennent de sortir un nouveau single qui s'appelle Stone Only Rolls Downhill et ça devrait vous plaire parce que ça fait comme ça. Under cover. dangerous waters uncharted. And finally, when land appeared, we were right back to where we got started. Oh, encore des revenants qui ont changé de coiffure, hein, c'est Orange maintenant, mais qui n'ont pas changé de style, c'est assez tranquille, c'est anglais, vous les avez peut-être connus, c'est Travis qui ont eu un succès un peu surprise avec le morceau Sing il y a quelques années, ils reviennent avec un nouvel album, en tout cas un nouveau single qui s'appelle Avalon, et juste avant c'était OK Go avec A Stone Only Rolls Downhill. Alors voilà quelqu'un que j'avais repéré dès le premier single et qui m'avait enchanté avec sa voix. Elle a toujours des looks assez particuliers, elle a toujours cette voix magnifique, mais là elle est dans une sorte de trip, elle revient avec un single qui s'appelle Everyday, la chanteuse s'appelle Céleste, et donc elle revient avec une sorte de trip SM sur la pochette de son disque, qui ne ressemblait pas vraiment à ce qu'elle faisait avant. Le morceau pareil est un peu étrange, un peu particulier, ça ressemble pas au morceau épuré qui m'avait charmé, mais c'est autre chose, mais elle le fait bien quand même, ça s'appelle Céleste et on retrouve toujours cette voix magnifique avec ce morceau Everyday. Day, vous êtes dans The Rocks. Such a good day, the way you held me, and I whispered your name. You whispered mine the same, and held me into your gaze, into your silence. Every day, wanna be close to him and never leave. Every day, not the same as the way it used to be. No, I won't change, I won't change. Something's coming over me. But you say what you say. Every day you tell me it's wrong. You tell me it's wrong. You tell me it's wrong. You tell me it's wrong. I think you could let me back into your life. Push me back out. Well, I really have tried, and I can't think about the way it feels right with your hands on me. And in the back of my mind, everybody wants to be me sometimes. Everybody wants to hold you so tight, and I might die if I don't have you this time, have you this life. Every day wanna be close to him and never leave. Every day not the same as the way it used to be. No, I won't change, no, I won't change. Something's coming over me. Pull the face, pull the face, pull the face and tell. Just don't see the thunder hell. You left me out, me in the back of my mind. used to be. I won't change, I won't change. Something's coming over me. Every day, every day, every day, every day. She can talk to the masses, but they won't listen to her. She has to see her eyes. I'm in love with the girl with her eyes. I'm in love with the girl. I'm in love with the quickness of her mind. She has eyes like the ones you dream of. She has eyes like the ones you dream of. If you think of stories from the past, it's just a passion, just a love that isn't gonna last. I'm in love with the girl. I'm in love with the girl with her eyes. I'm in love with the girl. I'm in love with the quickness of her mind. She has eyes like the ones you dream of. She has eyes like the ones you dream of. She has eyes like the ones you dream of. She has eyes like the ones you dream of. She has eyes like the ones you dream of. She has eyes like the ones you dream of. She has eyes like the ones you dream of. She has eyes like the ones you dream of. She has eyes like the ones you dream of. She has eyes like the ones you dream of. She has eyes like the ones you dream of. She has eyes like the ones you dream of. Alors lui, c'est vraiment le genre de mec, genre le mec, il fait plus rien, il fait plus de morceaux, tout ça, et un jour il revient, il pète tout, et puis il arrête plus de faire des morceaux. Moi je dis la classe. Ça s'appelle David Fecknam, voilà, un vieux pote, hein, vous le savez. Le morceau c'est Eyes, et ça fait partie des sessions de l'enregistrement de son dernier album en date, qu'on a décortiqué ici même dans The Rocks, et de temps en temps, paf, il va sortir un petit morceau qu'il va mettre sur Bandcamp, il va balancer ça, un petit morceau inédit. Bah celui-là est vraiment très très bien, il s'appelle Eyes, très bon morceau de David, bravo, bravo. Et je suis pas le seul à le dire, le magazine Rolling Stone lui fait un petit article ce mois-ci. Alors là vraiment, c'est la classe incroyable. Et puis Céleste avec Every Day. Allez, trois petits morceaux enchaînés maintenant pour ravir vos oreilles d'une ambiance plutôt soul, on va dire. Il y aura Michael Kiwanuka tiré de son extraordinaire album. J'ai déjà un peu divulgué ce que j'en pense, puisque ce sera un des albums décortiqués la semaine prochaine dans Quij. Ça sera une séance de Quij où il y aura quatre albums, évidemment, avec trois chroniqueurs de marque à chroniquer. Les chroniqueurs seront David Bost, vieil habitué de Quij. Il y aura Karl, qui est une espèce de sommité orléanaise de la médiathèque, mais pas que. Et puis, il y aura Laurent L'Huillier, qui est le chanteur des Crybabies et des Queens, qui auront bossé sur les quatre albums que je leur ai proposés. Et il y aura d'ailleurs ce Michael Kiwanuka. Rendez-vous la semaine prochaine, 19h. pour cette séance de quiz, cette émission spéciale d'On the Rocks. Le morceau c'est Lowdown. Juste avant, il y aura il y aura pour Duduche une petite vieillerie d'il y a 3 ans, je crois. C'est un morceau de Junius Mavent avec qui s'appelle High Hills. Et puis juste avant, là tout de suite, maintenant, il va y avoir le dernier single de quelqu'un qui a une voix assez phénoménale quand même, et pourtant il est français, tourangeau si je ne m'abuse. C'est Ben L'Oncle Soul qui revient avec ce morceau qui s'appelle I Got Home. Ça lui va pas mal l'anglais. Ben L'Oncle Soul, Michael Kiwanuka, Junius Mavent, enchaîné sans blabla, c'est maintenant. Everything I need, you know I got home. I got everything I want, you know I got home. I got home, baby, babe, I got home. Put your hands together, please, you know I got home. Move your head and tap your feet, you know what I want. I got home, baby, babe, I got home. Up to you just for being a crowd. I can be myself again in the merry-go-round. When all you gotta do is to be in the now. You got soul, babe, real soul, babe. Gazing at your smile as you sing along and calling out the name of your favorite song. I'll keep you satisfied, but it won't be for long. I'm excited. Sound and all you wanna do is spinning around. I got home, yes I got. When you get through the door and all the people shine when they dance on the floor. I got home, yes I got. When I'm catching the flow and I only look at you when I'm loving you so. I got home now, home, yeah, yeah, yeah. Down. get your high heels back on. Open the door, tie your fire cape on strong. Genius Mavent avec son versant un peu plus country, pratiquement avec Ike Hills, avant Michael Kiwanuka avec vraiment cet album magnifique en deux parties, avec cette guitare de Pink Floyd là qui arrive alors qu'on ne l'attendait pas, Low Down, et puis juste avant c'était Ben l'Oncle Soul avec I Go Home. Allez, encore une retrouvaille avec quelqu'un que j'avais diffusé il y a pas mal de temps dans On The Rocks. Il s'appelle Will Stratton et il revient lui aussi avec un nouveau morceau. Décidément c'est la soirée des revenants, ça s'appelle Temple Bar pour cet artiste de 37 ans, très très jeune, mais tous les artistes sont de plus en plus jeunes, vous avez remarqué? I miss all my friends at the temple bar. The ones who walk just half a block and the ones who travel far. A family like a lost and found. Bless 5 miles canyon and the water from the ground. Charlie was from Tracy. He made all his money on pool. Hiding out from the children of God, he'd run out the clock on school. But one summer he just disappeared, and I heard that he'd driven up north. Sometimes you never see someone again, but you know just what they're looking for. Scholar of capital, paranoid but justified, slept in a sailboat hole, showed up late one night in his nightgown, called and saw his jailers in the country of company town. And you'll all crack up too, he said, it's all just a matter of time. Last I heard he was a forester, and he'd shut up all the demons in his mind. Like a morning dove. Last I heard she'd made it in Monterey, selling beachfront properties, flying in a private plane. Leonard hasn't left at all, but I rarely ever see him around. I might catch a glimpse at the grocery store or picking up some dinner in town. One time I caught a look straight in his eyes, there was no recognition at all. Like two old fish in an aquarium, seeing their reflections on the wall. I miss all my friends at the temple bar, the ones who never moved away, and the ones who traveled far. A family like a lost and found. Angels took it over and it burned right to the ground. Then the angels took it over and it burned right to the ground. I just heard the news. Is coming and it's taking you. It always strikes too soon. Always strikes too soon. Since there's no way to make you stay, being peace will be okay. Show us how to surf the coming wave. And when we're missing you too much, when the waves delay for us, we'll play some jazz and drink some wine instead. Now feel the summer breeze, the setting sun and all there is. Look at the open sky. Look at the open sky. Since there's no way to make you stay, being peace will be okay. Showed us how to surf the coming wave. And when we're missing you too much, when the wave's too high for us, we'll play some jazz and drink some wine instead. There's no way to make you stay. Being in peace will be okay. Cause you shout us out to surf the coming wave. And when we're missing you too much, when the wave's too high for us, we'll play some jazz and drink some wine instead. Lui aussi est passé au micro dans The Rock, c'était Cocoon. Dans sa dernière livraison, le morceau s'appelle Surf et juste avant, c'était Will Stratton avec Temple Bar. Je vous rappelle que la semaine prochaine, il y aura une édition de Quij dans The Rock, à écouter avec trois chroniqueurs de choc et quatre albums. Si ma mémoire est bonne, il y aura l'album de Kokomo, l'album de Skeks, l'album de Michael Kiwanuka et Garcia Fun qui seront décortiqués donc dans cette émission. Et après, pas d'émission pendant 15 jours. On continue avec les nouveautés, avec encore un petit groupe qui a remporté une sorte de télécrochet, je ne sais pas où. Enfin, télécrochet, on disait ça en 1950. En tout cas, bon, le morceau est sympathique. C'était Pop Idol, voilà, en 2002. Et puis, bah, depuis, ça fait son chemin. Young Friend avec Soft Light. Okay, there we go. Hardwood, ashtray, I learned your favorite songs. Misty mornings, awake at the crack of dawn. I wrote you a haiku, you said that you liked the words. You sat on the balcony, I told you that this is perfect. Told you that this is perfect. I love you and your big mouth. You could talk circles round me. Tell me what you wish for. My heart is guiding me to the open. Waiting for diving. All I ask of you is to love me too. Soft light tattoos, you in your worn out jeans. Clementines and pottery, two of your favorite things. You see what I see, no one could understand. I get you, you get me. Tall grass and ampersand. All I ask. Good place to hide. you can see through. Maybe there's a part of you that knows I know you're right, and one day I'll be fine. I'm still young, but I have seen I'm not as old today as I've been. It's a curse to feel unhappy, as it was to be afraid. I'm not wise, is it stupid to call time before you're wounded? To undo what your own heart did, to unmake what it made. I don't wanna feel afraid. Il pas lui couper la chic. Désolé, Luc. C'était Luc Sitalsing à l'instant avec son dernier single qui s'intitule Still Young, artiste anglais qui a commencé sa carrière il y a une dizaine d'années et qui fait, comme vous l'avez pu l'entendre à l'instant, dans la dentelle délicate. Et juste avant, c'était Young Friend avec Soft Light. Deux titres enchaînés maintenant pour terminer peut-être. Ah, on aura peut-être le temps de s'en mettre un troisième. Bonnie Prince Billy qui revient avec Downstream, qui est Bonnie Prince Billy qui, plus ça va, mieux il chante. Il a commencé à l'époque de Palace, c'était un peu compliqué. Et là maintenant, c'est très très bien. Il chante très bien. Et puis Ain't Nothing avec Barn Nursery. On s'est déjà passé un morceau de Ain't Nothing. Je crois que c'était avec Mathieu Dufault la dernière fois, de l'Astrolabe. Et bien voici un autre morceau de ce duo d'Atlanta qui s'appelle Barn Nursery. Allez, je me dépêche. Il y aura peut-être le temps de s'en passer un tout dernier. What's in the water? What's in the wind? The weather is wilder than it's ever been. The ocean's still blue, but it ain't what it seems. It's time to remember that we all live downstream. What's gonna happen? What will you think? When it's not so easy to get you a drink. The water is changing, the well's going dry. It surely might kill us in the sweet by and by. You sleepwalk for centuries and don't look around at the progress of man, determined and bound. We live in the ruins of another life's dream. Oh, but nobody told us that we all live downstream. There's an island adrift out in the sea. It's being made special by you and by me. Nothing can live there, nothing can be. We're learning the hard way that we all live downstream. You sleepwalk for centuries and don't look around at the progress of man, determined and bound. We live in the be home down the street. Didn't know what it's like. If I knew signe à l'instant pour quasiment clôturer cette émission. Down the Rocks, c'est Bonnie Prince Billy avec Downstream juste avant l'intégralité de ces 23 morceaux plus le 24e qui va suivre est à retrouver en différé évidemment sur le site ontherocks.net. Voilà, j'essaie de vous mettre ça en ligne demain soir, au pire mercredi matin, et vous pourrez réécouter ça ad libitum pour vous faire plaisir. On va terminer l'émission ce soir par une petite vieillerie, un des morceaux de Paul McCartney qui n'est pas le plus connu de sa carrière, mais qui est un très très beau morceau, qui s'appelle Single Pigeon, qui ne dure pas très longtemps et qui figure sur un album mineur de Paul McCartney qui s'appelle Red Rose Speedway. On se souvient surtout de My Love sur cet album. Eh bien moi je préfère ce Single Pigeon qu'on va se passer maintenant. Ça date donc de 1973 cette histoire, et vous retrouverez juste après Rémi pour l'Arrêt d'Arc. Ciao, rendez-vous la semaine prochaine pour une édition de Quij. Sunday morning fight about Saturday night. A single seagull gliding over Regent's Park Canal. Do you need a pal for a minute or two? You do, me too. Did she turf you out in the too. Me too.